Bonjour à vous, ici Dominique Lelièvre et les informations. La peintre québécoise Corneau est décédée à l'âge de 64 ans. Joanne Corneau, de son vrai nom, a succombé à un cancer de la gorge au Mexique où elle se trouvait depuis un mois pour recevoir des traitements. Originaire de Chicoutimi et diplômée de l'Université du Québec à Montréal, Corneau s'était établie à New York dans les années 90. Ses œuvres, très colorées et son style bien particulier, lui ont permis de se construire une importante réputation à l'international. La Ville de Québec se dit prête à accueillir de nouveaux réfugiés. Le maire Régis Labeaume doit rencontrer les médias cet après-midi au centre multiethnique pour faire le point sur l'effort qui a été fait dans la dernière année et sur les nouveaux arrivants que la Ville s'apprête à accueillir en 2017. Depuis janvier dernier, la capitale a accueilli quelques 1000 immigrants, dont la moitié de Syrie, mais aussi du Bhoutan, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Le maire de Québec entend tout miser sur le service rapide par bus lors de la prochaine élection municipale. Dans une entrevue éditoriale accordée au quotidien Le Soleil, Régis Labeaume affirme qu'il est prêt à faire du SRB une priorité lors du prochain rendez-vous avec les électeurs en novembre 2017. Il promet de revenir à la charge au début de la prochaine année pour expliquer davantage le projet et tenter de susciter plus d'adhésion dans la population. Rappelons qu'en septembre dernier, un sondage léger démontrait que près de 4 personnes sur 5 se déclarent en faveur du SRB à Québec. Enfin, la plainte d'Alice Paquet est désormais entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. La police de Québec a confirmé avoir remis son rapport d'enquête au DPCP qui doit maintenant déterminer si des accusations seront portées contre le député libéral Jerry Sklavounos. La jeune femme avait allégué en octobre dernier que l'homme l'avait agressée sexuellement en 2015. Elle avait alors repris des démarches pour porter plainte. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est de la neige intermittente aujourd'hui. C'est le cas depuis ce matin. Ça va se poursuivre jusqu'au milieu de l'après-midi. On recevra au total 2 à 4 cm de neige aujourd'hui. Il va faire moins 2 degrés cet après-midi. C'est ce qu'on a présentement. Demain, vendredi, le mercure reste stable à 0 degré et 40% de probabilité d'averses de neige. Quelques averses de neige samedi 24 décembre aussi avec 1 degré. C'est toujours aussi doux. Et dimanche, ce sera un peu plus frais. Dimanche 25 décembre, ce sera ensoleillé. Il fera moins 5 degrés.